Les pluies se feront plus continues en commençant par le Cotentin et puis un renforcement du vent et pour les températures entre 12 et 14 degrés cet après-midi. Demain jeudi, ciel sombre et humide et de 11 à 13 degrés. Vendredi entre 10 et 13 degrés et encore de la pluie avec un risque d'orage sur le Cotentin et les parapluies toujours indispensables ce week-end et au mieux 12 degrés. Aucune pénurie de carburant n'est constatée dans l'Eure et la Seine-Maritime. Les préfectures l'ont affirmé hier tout en reconnaissant que des difficultés de livraison ont pu être observées sur différents points du département de l'Eure. Le blocage de certains dépôts pétroliers dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes n'a pas eu d'impact directement pour le moment sur le réapprovisionnement des stations-service. Lundi, le Ruby Terminal de Grand-Queville en Seine-Maritime a été bloqué pendant une dizaine d'heures par des manifestants de la CGT et des Gilets jaunes afin d'empêcher la sortie et l'entrée des camions de ravitaillement. Le blocage a été levé dans l'après-midi après négociation avec les services de police. Si certaines stations-service sont à court de carburant, c'est davantage en raison d'une demande accrue par des comportements de précaution, des difficultés ponctuelles d'approvisionnement. C'est ce qu'a noté la préfecture de l'Eure. La peur de manquer face aux menaces de blocage des dépôts pétroliers. Pour les autorités préfectorales, la raison est également liée à des opérations commerciales, carburant à prix coûtant, lancées par des grandes surfaces comme Super U ou Intermarché, ce qui a pu contribuer à une surconsommation de carburant. Ainsi, à ce jour, il n'existe aucune pénurie dans le département de l'Eure, c'est ce qu'affirme la préfecture, qui recommande aux automobilistes de conserver leurs habitudes de consommation de carburant et en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun pour ne pas développer une surconsommation de précaution. Même message du côté de la Seine-Maritime. Ce mardi, une quinzaine de gilets jaunes qui occupaient le rond-point de KR à Normanville ont été délogés dans le calme par les gendarmes. Des militaires sont arrivés dès 5h du matin, mais le grand nettoyage n'a commencé que vers 9h. Nous levons le camp, la tente a été démontée, c'est ce qu'a confirmé à midi Jason, le porte-parole des manifestants. Depuis plusieurs jours, les gilets jaunes étaient sous le coup d'une ordonnance les sommant de quitter les lieux. Lundi soir, un huissier est venu leur annoncer qu'ils devaient partir, mais nous avions un accord verbal avec le directeur de Leclerc. Il nous a dit « Si vous arrêtez de bloquer, je vous laisse tranquille. » Mais nous avons fait aucun blocage depuis plus d'une semaine. C'est ce qu'a protesté Jason. En forme de représailles, lundi soir, une cinquantaine de gilets jaunes ont bloqué l'entrée de l'hypermarché avec des chariots. Les manifestants se sont ensuite dispersés dans le calme. Le rond-point de KR n'est plus occupé, mais les gilets jaunes n'ont pas dit leur dernier mot. Nous ne lâchons rien, c'est pour mieux nous installer ailleurs. C'est ce qu'a déclaré Jason, qui ne veut pas en dire plus. Selon toute vraisemblance, les gilets jaunes devraient s'installer au niveau du nouveau giratoire du Faubourg Saint-Léger. Le décor du rond-point de KR vient en partie d'y être transformé. Le procès de Denis Manochet a démarré ce lundi aux assises de l'Eure. Ce procès est jugé sensible par le ministère de la Justice. Le tribunal d'Évreux a donc mis en place un dispositif exceptionnel pour l'organiser. D'une part, et pour la première fois, la presse est accréditée. Une quarantaine de journalistes ont accès à ces audiences. D'autre part, il a fallu réorganiser l'accueil de l'accusé âgé de 56 ans, lourdement handicapé du fait de sa tentative de suicide. Il est arrivé en fauteuil roulant, traversant la salle des assises et se plaçant aux côtés de son avocat et non dans le box vitré des accusés. Une aide-soignante est là pour assurer les soins nécessaires. Denis Manochet est également doté d'un ordinateur sur lequel il peut taper de la main droite uniquement ses réponses. Denis Manochet, l'accusé, est jugé pour l'assassinat de sa fille aînée avec qui il vivait en couple depuis des années. Il comparaît également pour le meurtre du garagiste pour qui sa fille travaillait. Les faits ont été commis le 7 octobre 2014 à Gisors. Dans l'Eure, l'accusé et sa fille Virginie ont eu un enfant en commun, aujourd'hui âgé de 16 ans. Son avocate, Maître Iliard, a demandé le huis clos pour protéger son client. Le président l'a refusé, mais il n'est pas exclu de le mettre en place au moment de l'audition de ce jeune témoin, programmée la semaine prochaine. Le conducteur avait 2,50 g d'alcool dans le sang lorsqu'il a été contrôlé après avoir provoqué un accident de la circulation lundi dernier en fin de matinée à Évreux. L'automobiliste âgé de 43 ans a percuté une Renault Clio en stationnement sur le parking Saint-Aurin. Il n'a pas été blessé. Lors de la vérification de son taux d'alcoolémie, il a soufflé dans l'éthylomètre à 1,25 mg par litre d'air expiré, soit donc 2,50 g. Le quadragénaire, origine de Saint-Sébastien-de-Morsan, a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue. Il s'est vu notifier la rétention immédiate de son permis et une convocation devant le tribunal pour le 28 mai prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Très belle journée à l'écoute de Cristal. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent.

Et puis le procès de Denis Manochet a démarré ce lundi aux Assises de l'Eure. Ce procès jugé sensible par le ministère de la Justice, le tribunal d'Evreux a donc mis en place un dispositif exceptionnel pour s'organiser. Pour rappel, Denis Manochet, l'accusé, est jugé pour l'assassinat de sa fille aînée avec qui il vivait en couple depuis des années. Il comparaît également pour le meurtre du garagiste pour qui sa fille travaillait, des faits commis le 7 octobre 2014 à Gisors. Très belle journée sur Cristal. Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou. Allons voyager jusque dans tes bras. change. And in the bad times I fear myself.

j'espère que tout va bien ce matin. Et j'ai une très bonne nouvelle pour démarrer cette journée. Tout au long du mois de décembre, Cristal aide le Père Noël à garnir le sapin. C'est l'instant hot and cold. Le Père Noël est généreux cette année sur Cristal. On vous couvre de cadeaux jusqu'au 24 décembre. Alors, je regarde ce qu'on a dans la hotte. On a des consoles Nintendo Switch, des tablettes tactiles, des appareils photo Polaroid et de nombreuses surprises encore. Alors, pour jouer, c'est facile. Un signal peut se glisser à n'importe quel moment de la journée sur Cristal. Un signal avec la grosse voix du Père Noël qu'a reconnu Jessica de Bretagnole, pas loin de Passy-sur-Eure. Écoutez. Écoutez, ça s'est passé hier sur Cristal. Celle qui remporte sa PS4, c'est toi, Jessica. Oui, super, merci Florian, merci Cristal. Bravo Jessica, bravo pour ta réactivité. La PS4, elle part pour toi du côté de Bretagnole, pour toi et toute la famille, vous allez pouvoir en profiter. Merci beaucoup Cristal et restez comme vous êtes. Merci Cristal. Elle est trop chaud la petite. Le signal peut retentir à tout moment, alors restez bien à l'écoute de Cristal. Des cadeaux peuvent arriver d'ici 9h ou même plus tard hein, chez Aurélie et Florian, on sait pas. Surveillez bien ce moment hot and cold, c'est Noël avant l'heure sur Cristal, je vous l'ai dit. Justement, il est bientôt 6h, on s'écoute l'horoscope d'Alexandra avant Coldplay. Et l'info, bien sûr. Très bon réveil. Bonjour à tous. Excellent mercredi 5 décembre. Votre horoscope et les béliers. La journée démarre au ralenti, mais se poursuit dans l'action. Vous rattrapez le temps perdu. Taureau, il suffit parfois de peu de choses pour alimenter le quotidien et faire durer l'étincelle entre vous. Les Gémeaux, vous avez le vent en poupe et progressez dans votre travail plus vite que prévu. Cancer, vos amis comptent sur vous pour planifier vos prochains projets ensemble. Ils savent que vous ne manquez pas d'idées. Lion, vous vous posez un tas de questions qui n'ont pas lieu d'être et ça dérange votre moitié. Vierge, vos amours sont au beau fixe si vous maîtrisez bien vos émotions. Balance, votre sens du dialogue désamorce souvent les conflits. On vient souvent vous chercher quand les tensions arrivent. Scorpion, vous avez tendance à rêver vos histoires d'amour plutôt que de les vivre. Les Sagittaires, aujourd'hui, vous avez un grand besoin d'air, d'espace, de marché pour vous ressourcer. Capricorne, l'amour-passion continue dans le couple. Vous pouvez partir au quart de tour. Si vous avez un projet, les Verseaux, c'est le moment de le présenter, vous défendre vos convictions. Les poissons, vous vous sentirez très proche de votre entourage. Votre compassion ne sera pas feinte. Excellente journée à tous.